Tout le monde? Ceux que j'ai déjà vus dans la classe, c'est bien. Les autres, vous êtes invités à y participer et arriver à l'heure aussi. Michel a fait un petit retour, mais je vais en faire un retour un petit peu plus grand sur l'Évangile de Marc. Et ça donne bien que le thème de la prédication du passé, c'est la résurrection, parce que c'est ça qui cause des problèmes. C'est une partie des problèmes des disciples. C'est relié à la résurrection des morts, dont ils ne comprenaient pas du tout que ça pouvait s'appliquer au Messie. Je vais mettre dans le temps des apôtres, là, dans le temps des douze et de Jésus. Ça fait au moins quelques semaines, plusieurs jours que Jésus est allé dans la région de Césarée de Philippe. Il a cessé son ministère public en Galilée, officiel, on va dire. Hein. Et il a emmené ses disciples à Césarée de Philippe, et il leur a posé une question. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Puis là, tout le monde répond. Ils répondent les réponses habituelles qu'ils entendent. Tu es Élie, tu es un des prophètes, un grand homme, mettons. Non? Et là, Jésus va poser la question spécifiquement aux douze. Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Ils vont dire. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Hein? Pierre va répondre, mais on peut croire que tous les douze, peut-être Judas excepté, étaient d'accord avec cette déclaration-là de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça voulait dire le Messie. C'est celui que Dieu a promis. Et là, on va commencer la problématique des disciples. Là, Jésus va commencer à leur dire qui va aller à Jérusalem, qui va être livré aux mains des pécheurs, qui vont le battre, qui vont le crucifier, et que trois jours après, il va ressusciter. Il y a une première réaction négative. Là, on est à Césarée de Philippe, là, ça se passe. Pierre va répondre, Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas, sans savoir qu'il est inspiré par Satan, pour venir nuire au plan de rédemption que Dieu avait planifié depuis Adam et Ève. Et Pierre se fait reprendre sévèrement, on va dire. Hein? C'est quand même, à l'air de moi, Satan. Hein? Jésus n'est pas allé avec des nuances. Là, il dirait. Pas qu'il a rejeté Pierre, mais il a rejeté sa pensée. Sa théologie n'est pas bonne. Mais la théologie de Pierre, elle est dans les onze autres aussi. Puis elle va continuer à s'opposer à leur manière. Évidemment, ce n'est pas une opposition aussi directe que la déclaration de Pierre, mais ça va continuer. On a vu après ça que Jésus a prophétisé que des disciples allaient voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Il va avoir, six jours après, la transfiguration sur la montagne au Liban. J'ai oublié le nom déjà, ça m'échappe. Et les disciples vont voir quelque chose d'extraordinaire, Élie, puis en descendant, Jésus va répéter encore une fois qu'il allait à Jérusalem. Malgré le fait qu'il venait de voir quelque chose d'extraordinaire, il répète aux trois, Pierre, Jean et Jacques, qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va être mis à mort, qu'il va ressusciter le troisième jour. Malgré le fait qu'ils ont vu Élie et Moïse, Élie, le prophète qui est prophétisé avant le retour justement de la venue glorieuse de Christ sur la montagne, ça vient brasser leur théologie, là, solide. Ça ne marche plus, là. Mais ils mettent ça dans la jambe gauche, puis ils font comme s'ils ne l'avaient pas entendu. Ils vont descendre la montagne, ils vont arriver, Jésus va guérir un sourd et muet, un père qui est au désespoir avec un enfant qui se jette dans le feu. Et qui est possédé d'un esprit de démon. Jésus va chasser le démon, faire un miracle encore une fois. Et là, Jésus va partir de Césarée, de Philippe, et va cheminer vers Capernaum. C'est là que notre texte ce matin va se situer. Le plus grand et le dernier de tous. Un contraste. Absolument, quand on voit quelqu'un de plus grand, il n'est pas le dernier, il est le premier. Mais Jésus, lui, si tu vas être le plus grand, tu vas être le dernier. Prions, ça a déjà été fait. Jean-François a bien fait. On ne reprendra pas ses requêtes. Bien que j'aurais ajouté davantage que Dieu ouvre nos cœurs, même à moi, à travers l'enseignement, qu'on saisisse vraiment sa volonté. Contexte, on vient de le faire. Césarée de Philippe, pour vous situer sur la carte que vous avez présentée au début, c'est probablement la route que Jésus a choisie ici, là. Est-ce que vous voyez la souris? Non, la souris n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez le cheminement que peut-être que Jésus a suivi. C'est une cinquantaine de kilomètres. Fait que ils vont partir de Césarée pour s'en aller à Capernaum, puis Jésus veut le faire en secret, sans que personne ne le sache, autre que les 12 qui le suivent. En guise d'introduction, on va aller voir un texte qui est dans l'Évangile de Luc, qui est ici affiché, là. Vous allez pouvoir le lire en même temps. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on est après la résurrection, on est la journée même de la résurrection, dont a parlé Gilles la semaine passée. La journée, le dimanche en question, le premier jour de la semaine, vers la fin de la journée, vers la soirée, il y a des disciples qui s'en vont dans un village qui s'appelle Emmaüs. Hein? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul? » Et là, Jésus va s'approcher de ces deux-là pendant qu'ils cheminent vers Emmaüs. Et il va leur poser une question, « De quoi vous parlez? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi, leur dit-il? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. » Regardez les qualificatifs qu'on va donner à Jésus. « Qui était un prophète, puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Ils n'ont pas dit « Tu es le Messie? » Quand Pierre déclare « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », Christ veut dire « Messie », là. Ici, les deux disciples, ils ne disent pas ça, là. Le Messie a été mis dans un tombeau, là. C'est le jour de la résurrection. Les femmes ont déjà constaté. D'autres ont vu, mais là, ils sont tous embrouillardisés, là. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. La théologie ici des disciples, c'est celle-là. Ça, c'est après la résurrection, la journée même de la résurrection. Évidemment, ça va changer, on le sait tout ça. Mais c'est leur pensée à eux autres. C'est leur théologie à ce moment-là. Et leur théologie ne marche pas avec les faits qu'ils constatent. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. C'est des femmes, hein? Témoignage des femmes. Hein? Ils pensaient comme ça, d'autres. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Là, ils n'ont pas encore connu Jésus, mais le texte nous dit, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et tous les prophètes, là, Jésus va leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, à la fin, ils vont l'inviter à manger, il va séparer le pain, puis là, ils vont le reconnaître. Hey, ils sont aveuglés, pas à peu près solides, là. Mais je ne suis pas en train de les juger, je suis en train juste de dire, constatons, c'est ça la pensée qu'il y a dans le cœur des disciples, dans le texte qu'on va lire ce matin. Ils n'entendent plus la parole de Jésus, là, les instructions de Jésus, ils ne l'entendent pas. Isaïe 53, là, 730 ans avant Jésus, disait en Isaïe 53.1, que vous pouvez lire au complet, qui annonce la mort de Jésus. Le psaume 22 annonce la mort du Messie et d'autres passages des Écritures. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est exactement ce que les disciples font. Et ça accomplit ce texte-là des Écritures. Et là, à partir du moment où Pierre a confessé que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, aller jusqu'à la crucifixion, la résurrection. qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jacques 3, 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il monte, et vous allez demander pourquoi j'ai mis ce texte-là, je vais vous le dire. Qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous allez voir dans le texte qu'on va lire ce matin, les disciples sont dans un zèle amer et dans un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. D'ailleurs, Jésus va encore leur reprocher de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Gardez ça dans votre mémoire, au besoin, on y reviendra. Mais c'est un peu ce qui va être en arrière-plan de notre texte. Jacques 4, toujours dans la même épître, Jacques, vous savez, il parlait beaucoup aux Hébreux. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et derrière l'esprit des difficultés des disciples avec Jésus, dans tout le temps qu'ils vont aller jusqu'à la croix, ils se glorifient de leurs pensées orgueilleuses. Ils ne sont pas plus mauvais que moi. Hein? Après eux, j'ai fait la même chose. Et des fois, ça m'arrive encore. Vous autres, vous êtes au-dessus de ça, vous ne faites pas ça, je le sais. Diem. Jamais de pensée orgueilleuse. Non. Ouf! Je suis heureux que ça ne s'est pas répandu, mon mal. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Vous connaissez tout ce texte-là. Je trouve que ça s'applique à ce que les disciples font. Et à la base, il y a un problème théologique et un problème de foi. Donc, pour vaincre l'orgueil, le passage de Marc 9, 30 à 37 démontre à tous les hommes, croyants ou incroyants, la nécessité absolue d'obéir à Jésus sans nécessairement comprendre sa parole. Quand Jésus déclare qu'il va aller à la croix, qu'il va souffrir de la part des hommes, qu'il va être mis à mort, qu'il va être crucifié, qu'il va être ressuscité, les douze qui sont là ne comprennent pas cette parole. Mais c'est Jésus qui parle. Ils connaissent depuis facilement 2 ans là, qu'ils suivent, peut-être 2 ans et demi, qu'ils marchent avec lui et qu'ils l'ont vu dans toutes sortes de circonstances. On peut-tu lui faire confiance? Mais là, il nous dit quelque chose qui n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ce qu'il dit. Mettez-vous aujourd'hui dans le contexte, aujourd'hui, vous prêchez l'Évangile à quelqu'un? Tu dois croire à quelqu'un qui a été crucifié, qui est mis sur un bois il y a 2000 ans? Puis c'est ça qui va me sauver? Ça n'a pas de bon sens. Humain. Ça n'a pas de sens humain. Logique. C'est pas scientifique. Peu importe les raisons que vous mettrez, les mots que vous allez mettre, ça ne change rien au fait que vous devez croire pour être sauvé. Ici, on va le voir dans le cadre des disciples, là, quand ils vont cheminer avec Jésus, de Césarée à Capernaum. On va lire le texte, mais je vais vous le faire lire dans les 3 évangiles en même temps. Marc, Matthieu et Luc rapportent pas approximativement, les mêmes choses, pas dans les termes tout à fait les mêmes, mais c'est le même événement. À Césarée, après la confession de Pierre, qui nous a rapporté dans Marc. Rappelons-nous que Pierre est un témoin oculaire de ça, qu'il l'a vécu. Matthieu aussi, Luc non. Des fois, il y a des différences dans le texte qui peuvent s'expliquer juste par le fait que quand Pierre raconte ces choses, il les raconte comme un témoin oculaire, qu'il ne met pas en honneur en passant. Donc, Marc, on va le lire comme ça. Il partit de là et traversa la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Et là, on a la mention. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Et il craignait de l'interroger. Pourquoi il craignait de l'interroger? Jésus est devenu méchant, tout d'un coup, il parlait avec une grosse voix. « Hé, les disciples, prenez votre trou, c'est moi qui parle. » Ça, ça fait peur. Tu es d'accord, Ernest? Quand je parle comme ça, tu as peur? Bon, au moins il y en a un. Je n'ai pas l'impression que Jésus parlait comme ça, quand il disait ça. Mais pourquoi qu'il craignait? C'est parce que la théologie ne marche pas avec la sienne. Il y a un combat là, dans la vie des disciples. Il y a un combat qui aurait dû gagner. Bon, je ne suis pas en train de faire des reproches. Je ne veux pas juger ces hommes-là. Si j'avais été à leur place, j'aurais fait pire, peut-être. Mais c'est eux qui ont vécu le moment. Puis c'est pas Dieu qui est en faute, c'est pas Christ qui est en faute, c'est eux autres. Sachant donc. C'est la troisième annonce de sa mort depuis que Pierre a confessé. Troisième fois que Jésus le dit. Très clairement, sans ambiguïté. C'est pas une prophétie déguisée, c'est pas une prophétie poétique, comme on voit des fois dans les prophètes, avec des fois des difficultés de compréhension. Ici, c'est une déclaration claire, solennelle. Il va en avoir une quatrième un peu plus tard. Et là, après ça, Jésus va les laisser vivre comme il résiste. Il va les laisser vivre les événements. Je ne suis pas en train de dire que les disciples, là, ils sont pires que tous les autres hommes. C'est qu'ils ont passé à travers une épreuve. On voit qu'en Marc, on ne le fera pas tout de suite, mais celui qui va avoir le chapitre 10, qui va vous enseigner le chapitre 10, va revenir là-dessus. Il va avoir une quatrième annonce de la passion. Passion, en passant, c'est un terme un petit peu théologique qui est utilisé pour décrire les souffrances que Jésus va endurer et le salut qu'il apporte à l'humanité à travers ces souffrances-là. C'est un terme qui est utilisé souvent parmi les théologiens de la passion de Christ pour dire sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu, c'est écrit un petit peu différemment. Bon, il traversa la Galilée. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu le cheminement que Jésus a fait. C'est un trajet d'environ 50 km. Possiblement une journée de marche pour les bons marcheurs qui étaient Jésus et les disciples. C'était des bons marcheurs. Moi, 50 km, je ne serais pas capable de faire ça aujourd'hui. Je n'en ferais même pas 10. Mais eux, il n'y avait pas d'auto. Hein? Ils étaient tout le temps à pied. Ça fait qu'ils ont traversé la Galilée et Matthieu commence en pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. » Matthieu fait juste rapporter qu'il est un témoin, lui aussi, peut-être pas aussi direct que Pierre. Ils furent profondément attristés. Cette nouvelle-là leur enlève leur joie. En tout cas, momentanément, là. Rappelez-vous qu'après ces moments-là, très peu de temps après, Jésus va être à Jérusalem, il y aura une entrée triomphale. Toute la ville est en émoi et on crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hey, là, c'est... Ça n'a pas de bon sens, il y a la croix, on va se faire tuer. Hein? Une semaine plus tard, il va être sur la croix, puis il va mourir, il va ressusciter après ça. Ça, c'est Matthieu. Luc, qui n'a pas été un témoin oculaire, il va rapporter des choses un petit peu différemment. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu, c'est après le miracle de l'enfant sourd-muet. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. » Évidemment, on le sait que c'est pendant le trajet de Césarée à Capernaum. Doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. Effectivement, ils ne la voyaient pas. C'était voilé. Afin qu'ils n'eussent pas le sens. Ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Il revient sur les craintes. Hein? Ils craignaient de l'interroger. Encore, l'état d'esprit des disciples est fort. Alors, tous les versets sont tirés de la version seconde. Là. Si ça ne correspond pas à votre traduction biblique française, c'est à cause de ça, là, mais sachez que c'est dans les Écritures. Ce qui est intéressant, suite à la prochaine partie, c'est que c'est ce verset-là, particulièrement dans Marc, ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, on pense que ça pourrait être la maison de Pierre, mais ça peut être aussi une maison que Jésus avait fait son centre de mission pour la Galilée. Mais c'est possiblement que dans la maison de Pierre, à cause de ce qui va se passer, il va prendre un petit enfant là, un peu plus tard, dans ses bras. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin? » Juste réfléchissez à ça. Jésus n'est pas au milieu des douze pendant qu'il chemine. Jésus est en avant. Il s'en va à Capernaum. Pour poser une question comme ça, s'il ne pouvait pas être en plein milieu des douze pendant qu'il cheminait. Pour ça que je ne pense pas que c'est un voyage qui a duré bien, bien longtemps, peut-être une journée ou deux maximum, ou probablement une journée. Des monts-marcheurs comme eux autres, là. Et il pose une question. C'est intéressant, c'est que Jésus sait déjà la réponse de la question. S'il leur pose la question, c'est parce qu'il veut faire sortir le chat du sac. Vous êtes d'accord? C'est comme quand tu as posé la question, qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Il fait sortir le chat du sac, ce qui est vraiment dans le cœur des disciples. Évidemment, Jésus est un expert là-dedans, hein? Comme fils de Dieu, comme Dieu. Il voit dans les cœurs. Et ils gardèrent le silence. Car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Dans la gang d'hommes qui sont là, les 13, qui est le plus grand? Charles, qui est le plus grand? Hein? Non, non, ton père n'était pas là. Les 12 et Jésus, là, qui est le plus grand? Il semble que la réponse, c'est simple. Un enfant l'a dit. Les autres, ils ne voyaient pas. Ils cherchaient à être le plus grand. Ils gardèrent le silence. Oh, pareil, j'ai comme l'impression que la question de Jésus les a intimidés au départ, a dévoilé quelque chose. Ils s'en allaient en chemin. Qui va être le plus grand, là? Hey, il s'en vient, le royaume, là, on va régner, là. Hey. Toi, Pierre, oh non, écoute, t'es allé sur la montagne, là. Ils ne savent pas encore ce qu'il a vu sur la montagne, mais au moins. Puis là, ils sont en train, puis là, ils arrivent à Capernaum, dans la maison, c'est tranquille. De quoi vous avez discuté, les gars? Et ça va entraîner un enseignement fondamental pour, surtout pour la partie après la résurrection, parce que c'est là que ça va servir le plus. Parce qu'ils ne comprendront pas plus cette parole-là de Jésus. On va le voir plus tard dans Marc 10, qu'au moment où... C'est après la résurrection vraiment que ça va être efficace. C'est pour nous en particulier que ça a été fait. Dans Matthieu, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? » Matthieu, lui, rapporte ça différemment. Il ne parle pas du silence. Pourtant, il était un des témoins, mais peut-être pas au même niveau que Pierre. Et ça se peut que le silence a duré, mettons, pendant 5 minutes, personne ne répond. Puis il y en a un qui ose... s'approcher de Jésus, et dire, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais ils ont honte de ce qu'ils ont fait, là. Il y a quelque chose qui envahit, là. Ils sentent un reproche de la part de Jésus, là-dedans. Luc, lui, va... Or, une pensée leur vint à l'esprit, à savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus voyant la pensée de leur cœur. Effectivement, c'est Jésus qui a vu ça. Hein, c'est bien dit dans Luc. Jésus a vu ce que les autres ne voulaient pas dire. Ils ne voulaient pas se vanter devant Jésus qu'il avait discuté de ça. Nous autres, au comité pastoral, on passe des heures à se battre entre nous autres pour savoir qui est le plus grand. Physiquement, c'est moi, mais plus ça va, plus je diminue. Non, on ne fait pas ça. Hein? On estime tous que le Seigneur Jésus est plus grand que nous. Mais c'est tellement fort chez les hommes. Et dans l'Église, ça a créé des divisions historiques. Le fait de ne pas être le plus grand. Alors, il s'assit dans la maison. Ça, c'était souvent ce que les rabbis ou les enseignants de cette époque-là faisaient. Ils s'assoyaient à quelque part. Ici, c'est dans la maison. Il appela les 12 et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » C'est intéressant. Tu veux être le premier? Il faut que tu sois le dernier. Et le serviteur, ici, c'est le mot diakonos, là, soit le ministre de tous. Vous allez voir, ils vont un petit peu plus loin. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris en ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom l'un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Recevoir en Jésus, recevoir un enfant dans le nom de Jésus, c'est d'y prêcher l'Évangile. C'est de prendre du temps avec lui pour le considérer. Mais est-ce que vous allez recevoir de la considération de la part d'un enfant à qui vous passez du temps comme ça? Ben non. C'est pas lui là, qui va vous dire que vous êtes le Gamaliel du temps ou le grand docteur qu'il faut écouter ou le Nicodème. Oui, Nicodème, c'était un des responsables du Sanhédrin. C'est pas un enfant qui fait ça, là. C'est les hommes autour de vous. Donc, vous voulez être reconnu par des hommes. Jésus dit, recevoir un enfant en mon nom, c'est plus important, parce que c'est moi que vous accueillez. C'est à moi que vous faites honneur. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, passer du temps avec un enfant, c'était, ici, là, c'est une illustration. Jésus n'est pas en train de dire que les enfants sont sauvés, là, automatiquement, non. Il est en train de dire, ici, l'attitude que vous devez avoir pour devenir le plus grand dans le royaume des cieux. Passer du temps avec les plus saints. Avec les plus faibles. C'est intéressant que le monde d'aujourd'hui, on zigouille les enfants avant même qu'ils naissent. On n'est pas en train de les recevoir en nom de Jésus. Hein? Le nombre d'avortements qu'il y a dans le monde, c'est effrayant. Et passer du temps avec un petit enfant, de le recevoir en Jésus-Christ, ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps qui ne compte absolument pas pour votre gloriole personnelle. Moi, j'aime ça être avec Michel, avec Jocelyn, avec Andy, avec Jordi, avec Michel. Pour qu'il me redonne l'air, qu'il me redonne de la gloriole. Eux autres sont capables de le faire, un petit enfant. Je passe du temps avec Charles ou avec Ernest. Ouais, mais il m'aime comme grand-père, mais c'est pas eux autres qui vont, hein, qui vont me donner un titre, un diplôme. Vous êtes d'accord? Fait que Jésus, ici, il fixe la barre pour être le plus grand. Il ne reproche pas aux disciples de vouloir être le plus grand, mais il leur dit la méthode pour y arriver. C'est le contraire de ce que les hommes font. Regardez les hommes politiques, ce qu'ils essayent de faire. On a un exemple qui s'est passé aux États-Unis pas tellement longtemps. Hein? Ça va commencer demain. Ben non, ça a commencé bien depuis longtemps, là, mais il n'est pas le seul en passant. Là. Ils font tout ça pour être connus, pour être magnifiés, puis qu'on écrive leur nom dans un livre d'histoire. Le seul livre qui nous intéresse, nous autres, c'est le livre de la vie, de l'agneau. Les autres, comment ils voient ça? Matthieu, c'est à peu près la même chose. Ayant appelé un enfant, il a placé au milieu d'eux, je vous le dis. Là, Matthieu fait référence, Matthieu, dans son enseignement, dans sa manière d'écrire l'Évangile, souvent il regroupe des enseignements de Jésus, puis il les met dans un même passage. Ici, il va dire, si vous ne convertissiez, vous ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est un autre enseignement que Jésus a fait, ça, pour montrer l'état avec lequel on doit accepter le salut. Mais il l'a placé dans le même contexte ici. Ça, c'est typique de Matthieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand. Et là, on revient au sujet principal qui est décrit dans Marc. C'est se rendre humble comme ce petit-enfant qui sera le plus grand. Le petit enfant, il n'a pas d'aspiration à devenir le leader du royaume des cieux. Lui. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il reçoit moi-même. Vous voyez que c'est un passage là, qui a été amalgamé, et c'est typique de l'Évangile de Matthieu. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Là. Moi, je ne suis pas en train de constater le Saint-Esprit, mais je veux juste reconnaître que Marc est beaucoup plus près de ce qui s'est passé en réalité. Et là, dans le cas de Luc, il leur dit la même chose, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui est le plus grand, le plus petit parmi vous tous, C'est celui-là qui est grand. C'est de valeur que Edouard ne soit pas là, j'aurais taquiné. Lui qui veut être le plus grand dans son sport. Jésus lui dit, il faut que tu sois le plus petit. Sois le serviteur des autres. Tes aides les autres à gagner. Ça va pas bien quand tu vas avoir la médaille d'or. Vous comprenez? Pourtant, c'est exactement ce que Dieu demande dans le corps de Christ. Ce que Jésus demande dans le corps de Christ. La question ici, les disciples reçoivent un deuxième enseignement suite au fait qu'ils ont de la difficulté avec la théologie du Messie qui va souffrir. Le deuxième enseignement, c'est que les autres, ils sont continués à régner. Là. Ils vont régner avec Christ, puis ils vont être des ministres bien placés. Vous allez voir, le passage qui vient après, là, on va le voir la semaine prochaine, c'est les disciples qui veulent empêcher quelqu'un qui ne marche pas avec eux de prêcher au nom de Christ ou de faire des miracles au nom de Christ. Et c'est Jean, en passant, un des fils du tonnerre, qui va le dire à Jésus. Et Jésus va encore les reprendre, dire, non, empêchez-le pas, là. Mais eux autres sont dans la mentalité, les 12, on est privilégiés, on est les 12 ministres. Ça va être un ministre, ça va être un règne avec 12 ministres. Ils ne parlent pas en termes de ministres comme nous autres aujourd'hui, mais c'est à ça qu'ils pensent. Ils sont pris avec ça. C'est pour ça qu'ils veulent être le plus grand. Est-ce que les disciples ont obéi à l'enseignement de Jésus suite à cette exhortation-là? Marc 10, 35, 44, je ne sais pas si je l'ai écrit ici. Pendant que les douze et Jésus sont en chemin pour monter à Jérusalem, les fils de Zébédée, ça va être un autre enseignement qu'on va avoir dans l'Évangile de Marc. Si vous lisez dans les autres évangiles, vous allez voir que c'est la mère des fils de Zébédée qui est venue vers Jésus et qui a voulu que je te demande une chose, là, Jésus, qu'est-ce que tu veux? Je veux que mes fils que voici, Jacques et Jean, soient assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Quand Jésus serait dans sa gloire. Ça, pour eux autres, là, même pour la mère des fils de Zébédée, c'est bientôt, là, ça va arriver, là, ça va se produire. Là. C'est sur le bord d'arriver. Là, Jésus va avoir un enseignement. Je ne veux pas faire l'enseignement de ce passage-là. Mais ça, vous dire que ça a continué dans la pensée tout croche. Leur théologie n'est pas ajustée à celle de Jésus. Ils ne croient pas au Jésus quand ils disent des choses. Quand les 10 autres apprennent cela, qu'est-ce qu'ils sont? « Oh, c'est vrai, Jacques et Jean, on vous a toujours vu en première place. On est content que vous ayez demandé ça. Les deux, là. Les deux chouchous. » Pas comme ça qu'on pense, qu'on agit dans une classe. « Oh, Daniel, c'est la chouchou du prof, ça. Tout le temps. Hein? Ah, il apportait une pomme à chaque jour. Hein, Michel, il n'y avait pas de chouchou dans ton temps, hein? Non? Hein? Vous autres, ce n'est pas des pommes, c'est des mangues. Bon, des bonnes mangues. Ils sont indignés, ils sont irrités. Ça veut dire encore, vous autres, vous n'avez pas d'affaire à prendre notre place. C'est nous autres qui allons être les plus grands. Ils sont encore dans cette mentalité-là, un chapitre plus loin. Là. Est-ce qu'ils ont cru Jésus? Est-ce qu'ils ont reçu l'enseignement de Jésus? Savez-vous, ils vont le recevoir après. Parce que c'est effectivement, ils vont avoir un rôle important à jouer dans le corps de Christ après. C'est par les apôtres, y compris l'apôtre Paul qui s'est ajouté après eux, que l'Église a été fondée. Et c'est par eux que Jésus a fondé l'Église. Ces hommes faibles et sans, on va dire, envergure spirituelle, c'est avec eux que Jésus se glorifie. Mais ils vont changer entre-temps. Hein? Ils ne seront plus dans ce mode-là. Là, Jésus reprend, suite à l'exhortation dans Marc, là, 10, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Serviteur, c'est encore le mot diacre ici. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. » Et ça, c'est le moins que rien. Là. C'est celui qui lave les pieds. D'ailleurs, peu de temps après, Jésus va leur laver les pieds. Il va leur dire, « C'est moi le plus grand parmi vous. » Et c'est moi qui est là, qui vous sert. Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Et quiconque va être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon comme la rançon de plusieurs. Voyez-vous, le problème de ne pas croire Jésus, ça, a des petits, ça fait des petits qui amènent encore là plus de désobéissance. Ils auraient pu obéir à Jésus. Là. Bon, leurs yeux s'étaient voilés, Dieu n'a pas permis qu'ils voient clair dans tout ça, parce que, à quelque part, Dieu accomplissait son plan de salut. Mais les hommes auraient pu faire d'autres choix que ceux qu'ils ont faits. Moi, je connaissais, dès ma tendre enfance, qu'il fallait que je fasse attention à mes parents, j'obéisse à mes parents. Mais je n'ai pas craint la parole de Dieu, j'ai désobéi souvent. Je n'ai pas honoré mes parents quand c'était le temps. Pourtant, la parole de Dieu s'appliquait à moi, même si je ne comprenais pas parfaitement tout ce que Dieu disait. Et on apprenait ça dans le petit catéchisme catholique, les 10 commandements. Mais c'était vrai. C'était pas défaussé. C'était pas lu comme dans la Bible Louis II, là, que j'aime aujourd'hui, que je privilégie à tout. Mais ça disait l'essentiel du commandement. L'application pour nous aujourd'hui, en résumé, on a vu, les 12 montrent un premier exemple de désobéissance en ne croyant pas Jésus sur la prophétie de sa mort, de sa résurrection. Ça, là, ça a eu des conséquences. Ils auraient pu le croire sans comprendre. Ça ne marche pas avec notre théologie, Jésus aurait pu en discuter avec... Est-ce que Jésus leur a donné plus d'informations? Je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas fait. Plus que ça, ils ont eu la peur de lui poser des questions. Ils recherchent une place de choix dans le royaume du Messie. Et là, Jésus va leur montrer une voie par excellence pour avoir une place de choix dans le royaume du Messie. C'est à l'inverse de ce que les autres pensent. Les autres, ils veulent un titre, ils veulent un diplôme. Jésus leur offre du service et le don de soi. Jésus reprend les 12 en rappelant à plusieurs reprises la prophétie de sa mort et de la résurrection. Il va le répéter 4 fois au moins dans les Écritures, peut-être plus même. Il n'arrête pas de leur marteler ça. Et en indiquant la manière pour être à la première place, il reprend les 12 en leur indiquant la manière. Viser à être le plus petit, donc combattre l'orgueil. Viser à être le serviteur et l'esclave de tous les autres. Pour ne pas avoir mis ça en pratique, beaucoup d'entre nous, on va dire après les résurrections, pas juste les 12, se sont séparés de la communion fraternelle, sont partis ailleurs ou ont carrément laissé tomber. Pourtant, cette exhortation-là de Jésus d'être le plus petit, de chercher à être le plus petit, d'être le serviteur des autres, ça n'a pas de bout, ça. Être l'esclave d'un autre, là. Qui a autorité quand on est esclave? Hein? Vous êtes esclave, les enfants? Qui a autorité? Celui qui est en arrière, là, qui est caché derrière sa femme? Oui. Mais savez-vous le plus grand serviteur parmi votre famille? C'est votre père et votre mère. Ils sont engagés à 100%. Et même si vous n'écoutez pas toujours, que vous voulez vous moquer d'eux autres, des fois, ils persévèrent en faisant confiance à Dieu. Ils s'occupent d'enfants insignifiants. Vous avez du prix à mes yeux, vous êtes mes petits-enfants, j'ai beaucoup de fierté de vous avoir, mais vous êtes insignifiants pour quelqu'un qui veut être à la première place. Donc, viser à être le plus petit. Hein, Michel? Pas facile, ça. On le fait des fois, mais des fois, on l'oublie, hein? Surtout quand quelqu'un vient nous dire qu'il n'est pas d'accord avec nous. Dans l'Église, il y a eu des séparations à cause de ça. Parce qu'on a perdu de vue que servir Jésus, c'est de chercher à être le plus petit et à être le serviteur des autres. Et quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il le fait dans un moment où les disciples sont, on va dire, aveuglés par l'idée qu'ils vont régner avec Jésus dès maintenant. Ils vont régner, effectivement. Jésus va les faire régner, mais pas de la manière qu'ils pensaient. Est-ce qu'on on prend, le, on suit les... Notre rôle à nous, là, aujourd'hui, c'est vraiment de tenir compte de ça, que quand on a envie de tout lâcher, de tout abandonner, ça m'est arrivé des dizaines de fois depuis que je suis dans l'Église, ça fait 87 que je suis ici. Vous savez le nombre de fois que j'avais voulu quitter, puis à chaque fois, le Seigneur a dit « Non, tu continues. » Presque comme ça, là, dans ma tête, dans mon cœur. Il ne me l'a pas dit avec des mots comme ça, là, les mots de la parole de Dieu. Tu n'as pas de raison de t'en aller. À chaque fois que tu travailles, tu te mets à travailler pour le Seigneur, les autres ne le reconnaissent pas vraiment. Tu prépares des cours de l'école du dimanche, puis tu as juste 5 personnes qui assistent au cours, puis tu as mis beaucoup d'efforts là-dedans. Ben, pas un matin, il y en avait plus. Comprenez-vous? Ah, je plante tout ça là, arrangez-vous, je n'en veux plus. Comprenez-vous le point? Non, je suis serviteur. Dieu a pourvu à 5 personnes, gloire à Dieu. Ben, je vous dis, c'est beaucoup d'efforts, hein, préparer un cours, préparer un enseignement. Il m'en a beaucoup de difficultés, celui-là. Là, Michel va me critiquer après, il va me dire que je n'ai pas suivi ma méthode. Michel est dit pas. L'autre Michel. Puis peut-être Jerry, là. Non. Cherchons à être des serviteurs de tous. Et vous allez voir le Seigneur vous utiliser dans des moments absolument extraordinaires. Comme c'est arrivé aux disciples, aux douze. Jean qui voulait absolument empêcher quelqu'un de prêcher au nom de Christ ou de guérir ou de faire des miracles au nom de Jésus, c'est un de ceux qui va le plus parler de l'amour, de l'humilité. Ce même Jean, le fils du tonnerre avec son frère, qui a eu le privilège de voir Jésus sur la montagne. Fait que, mettons ça en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Puis, si vous n'avez pas aimé ma prédication ce matin, vous allez en avoir une autre la semaine prochaine. Deux fois d'affilée. Oublions pas que Jean-Claude est à l'église de Montréal-Nord. Ah, il est dans son lit, il n'est pas sorti? Ah, bien là, on va y parler, là. Il ne file pas bien depuis vendredi. Il n'est peut-être pas au comité pastoral.